Bom, amna aussi règle queen. Ñu ci bind Zayed Co. Zayed Co. Zayed Co. Règle. Hein? Queen. Q-U-E-E-N. Boobu noonu 48 pièces moo ci nekk. Benn bu nekk dikkee ma 75 francs CFA. 48 pièces, benn bu nekk 75 francs CFA. Règle queen. Règle une trace.